traiter avec le mental de l'homme puis dispenser ses forces, cette lumière-là, à travers le mental de l'homme. Il faut que le mental de l'homme soit intelligent, sinon le mental de l'homme va spiritualiser ça. Mm. Fait qu'à ce moment-là, on finit avec le Père, puis le Fils, puis le Saint-Esprit. Autrement dit, on finit avec trois gars en haut. On sait pas qu'est-ce que ça mange en hiver. On sait pas s'ils s'habillent, s'ils s'habillent pas. On sait pas s'il reste d'une maison, il reste simplement dans aucun abri. On sait pas si ça vit sur des planètes ou non. On sait pas si ça fait partie des civilisations imaginaires ou non. On sait pas si ça fait partie des civilisations cosmiques ou non. On n'a aucun paramètre pour mesurer la dimensionnalité cosmo-ethnique de ces êtres-là. C'est quoi ça le Père? C'est quoi le Fils? C'est quoi le Saint-Esprit? Fait que ça, ce sont des concepts valables, institutionnalisés dans nos religions, qui font partie de la sémantique parabolo-spirituelle de l'évolution. Il va falloir un jour que l'homme sache qu'est-ce que c'est le Père, le Fils et l'Esprit, qui parle, qui a le numéro de téléphone. Comprends-tu veux dire? Puis après ça, tu dis, le Père, comment c'est quoi ça le Père? T'es-tu là, le Père? Puis là, tu vas avoir une réponse. T'sais? Puis là, tu vas dire, t'es-tu là, le Fils? Puis là, tu vas avoir une réponse. Tu vas dire, c'est toi, le Fils. Tu vas dire, tu as l'esprit saint, il va dire, c'est peut-être l'autre à l'arrière, attends, on va te transférer à l'autre. Comprends-tu, veux dire, comme Satan? Fait que, il va falloir un jour qu'on connaisse les lois de communication, qu'on soit sur des registres de communication réellement universelles, qu'on fasse de la télépathie, un petit peu comme on fait du téléphone aujourd'hui quand on s'appelle d'une maison à une autre. Fait qu'un jour, l'homme va communiquer d'une maison à une autre, puis probablement, s'il est suffisamment conscient, au lieu de téléphoner simplement d'une maison à une autre, il va pouvoir faire la belle téléphone. Quand t'es rendu que tu parles à belle téléphone, la chance que tu parles au père, est pas mal bonne. Puis à ce moment-là, tu checkes encore, parce que le père, c'est le vice-président ou le président de Belle Téléphone. Il y en a combien de vice-présidents de Belle Téléphone? Tu sais, qui c'est qui rend Belle Téléphone? Qui c'est qui rend le show? Mais ça fait partie des mystères. Fait que quand tu as du temps à perdre, tu es chez vous, puis tu n'es pas intéressé de travailler, tu n'es pas intéressé d'écrire, des fois, tu as une petite communication avec la Belle Téléphone, tu dis, bon, mais c'est quoi ça? C'est quoi ton statut, toi? Qu'est-ce que tu fais? Es-tu vice-président, président? Es-tu le gros boss? T'es-tu un éternel? Tu travailles-tu à l'univers local? Tu travailles-tu sur un univers? Tu sais? Fait que tu placotes. Mm-hmm. Mais pour pouvoir placoter de même, il faut que tu aies des bonnes lignes pour que le fil brûle. Merci de merci de